Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 68. Des dons du Saint-Esprit. En quoi les dons diffèrent des vertus infuses? Leur nécessité pour le salut, sont-ils des habitudes? Leur connexité, on les énumère. Leur durée après la vie, l'ordre de leur dignité. Leur supériorité sur les vertus intellectuelles et morales. 1. Les dons du Saint-Esprit diffèrent-ils des vertus? Saint Grégoire distingue les 7 dons du Saint-Esprit des 3 vertus théologales et des 4 vertus cardinales. Pour savoir ce qui constitue cette distinction, c'est sur quoi les docteurs ne s'accordent pas. Quelques indices que les dons se confondent avec les vertus, d'autres, que les dons perfectionnent le libre arbitre, comme puissance de la raison, et les vertus, comme puissance de la volonté, d'autres, que les dons aident à résister aux tentations, et les vertus, à bien agir, d'autres, que les dons produisent en nous la ressemblance du Christ, tandis que les vertus engendrent les bonnes œuvres. Pour découvrir la vérité au milieu de cette diversité d'opinions, observons d'abord que, dans l'Écriture sainte, les dons sont appelés esprit, l'Esprit du Seigneur, disait Isaïe 11, se reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence. De telles expressions ne marquent-elles pas que les 7 dons, énumérés par le prophète, proviennent en nous de l'inspiration divine, qui est un mouvement imprimé du dehors, car il y a dans l'homme 2 principes moteurs, l'un intérieur, qui est la raison, l'autre extérieur, qui est Dieu. Il est manifeste que les mobiles trouvent leur perfection dans leur aptitude même à être mus, et que, plus les moteurs sont élevés, plus il convient que les dispositions des mobiles soient parfaites. Un élève doit être mieux préparé pour recevoir de son professeur un enseignement supérieur. L'homme, destiné à être mu par la raison dans ses actes intérieurs et extérieurs, est, sous ce rapport, perfectionné par les vertus humaines. Mais, pour correspondre à l'impulsion divine, il a besoin de perfections plus élevées. Ces perfections, on les appelle des dons, non seulement parce qu'elles nous sont données d'en haut, mais encore parce qu'elles disposent notre cœur à suivre les inspirations divines, selon cette parole d'Isaïe 55, le Seigneur m'a ouvert l'oreille, je ne le contredis pas, et je ne me suis point retiré en arrière. Aristote lui-même a fort bien remarqué que les hommes qui sont mus par l'action divine doivent suivre son impulsion, sans prendre conseil de la raison humaine, puisqu'ils sont dirigés par un principe meilleur. Quelques auteurs expriment ces vérités en disant que les dons nous perfectionnent par rapport à des actes supérieurs à ceux des vertus. Note. Les dons sont parfois appelés des vertus, mais ils ajoutent cependant quelque chose de supérieur à l'idée que le vulgaire attache à ce mot, ils sont des vertus divines qui préparent à recevoir la motion divine. Le philosophe, sur ses principes, plaçait au-dessus de la vertu ordinaire une sorte de vertu héroïque ou divine, qui fait appeler quelqu'un un être divin. Le don, si on veut le distinguer des vertus infuses, peut se définir, un bienfait que Dieu nous accorde relativement au mouvement de sa grâce, pour que nous les suivions avec promptitude. Fin de la note. 2. Les dons sont-ils nécessaires au salut? Le plus grand des dons est la sagesse, le plus petit, la crainte. Or ces 2 dons sont nécessaires au salut, il est écrit au sujet de la sagesse, « Dieu n'aime que celui qui habite avec la sagesse, Sagesse 7, 28, et sur la crainte, Celui qui est sans crainte ne pourra être justifié. Ecclésiastique 1, 28. Donc tous les dons sont nécessaires au salut. Et, en effet, s'ils sont tous, comme nous l'avons vu, des perfections qui disposent les hommes à suivre fidèlement les inspirations divines, un don nous est nécessaire toutes les fois que le Saint-Esprit doit subvenir à l'insuffisance de notre raison, qui reçoit deux sortes de perfections, l'une naturelle, par les lumières de l'intelligence, l'autre surnaturelle, par les vertus théologales. La perfection naturelle, nous la possédons avec plein pouvoir d'agir par nous-mêmes, mais, dans l'ordre surnaturel, notre raison, ne possédant qu'imparfaitement les vertus théologales, n'atteint la fin dernière qu'à l'aide de la motion du Saint-Esprit, selon cette parole, tous ceux qui sont mus par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qui sont ses enfants et ses héritiers, Romains 8, 14 et 17. Et encore, c'est votre esprit qui me conduira dans la terre des justes, Psaume 142, 10. Que, si, pour parvenir au ciel, l'homme doit être muet conduit par l'Esprit de Dieu, il est clair que les dons du Saint-Esprit sont nécessaires au salut. Il ne faut pas comparer les dons aux conseils, ceux-ci surpassent les préceptes en produisant des œuvres d'un genre particulier, au lieu que les dons sont au-dessus de la perfection commune des vertus, en ce sens que, dans la manière d'agir, l'homme est mu par un principe plus élevé. Les vertus humaines et les vertus théologales ne donnent pas à l'homme une telle perfection que, pour atteindre la fin dernière, il puisse se passer de l'impulsion supérieure du Saint-Esprit. 3. Les dons du Saint-Esprit sont-ils des habitudes? Le Seigneur disait à ses disciples, en parlant du Saint-Esprit, « Il demeurera avec vous et il sera en vous. » Jean 14, 17. Le Saint-Esprit n'est pas dans les hommes sans ses dons. Par conséquent, les dons sont des habitudes permanentes, et non pas des actes transitoires. Ils sont des habitudes qui perfectionnent l'homme pour qu'il obéisse fidèlement à l'Esprit Saint, comme les vertus morales sont des habitudes qui disposent la volonté à obéir avec docilité à la raison. 4. Les sept dons du Saint-Esprit sont-ils convenablement énumérés dans Isaïe? Les dons du Saint-Esprit ont été très bien énumérés par Isaïe, dans l'ordre suivant, le don de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, de piété et de crainte. Pour apprécier la convenance de cette énumération, il est bon de rappeler que les dons sont des habitudes qui nous disposent à suivre avec docilité l'impulsion de l'Esprit Saint, comme les vertus morales perfectionnent la volonté pour qu'elle obéisse à la raison. Toutes les facultés humaines, naturellement destinées à recevoir les ordres de la raison, sont aussi appelées à être mues par l'impulsion du Saint-Esprit. Les dons existent conséquemment dans la raison et dans la volonté. Quatre d'entre eux perfectionnent la raison même, la sagesse et l'intelligence, la raison spéculative, le conseil et la science, la raison pratique. Trois perfectionnent la volonté, la piété, pour les devoirs qui se rapportent à autrui, d'abord à Dieu, Père de tous les hommes, ensuite aux propres parents et à la patrie, la force, pour nos devoirs dans les dangers, et la crainte de Dieu, qui nous aide à lutter contre les plaisirs mauvais. Les dons célestes s'étendent ainsi à autant d'objets que les vertus intellectuelles et les vertus morales. Note. On demandera peut-être pourquoi l'on n'admet pas des dons relatifs aux vertus théologales. L'esprit humain n'est mu par l'Esprit Saint qu'autant qu'il lui est uni d'une certaine manière, comme l'instrument n'est mu par l'artisan que tant qu'il est en contact avec lui d'une façon quelconque. La première union de l'homme avec l'Esprit Saint s'opère par la foi, l'espérance et la charité. Les dons présupposent ces vertus qui leur servent de racines, et ils leur appartiennent comme dérivant d'elles. Fin de la note. 5. Les dons du Saint-Esprit sont-ils unis les uns aux autres? Saint Grégoire, comparant les enfants de Job aux dons du Saint-Esprit, dit, ce qui est à remarquer dans leur festin, c'est qu'ils se nourrissaient réciproquement. Semblables aux enfants de Job, les dons du Saint-Esprit se soutiennent et s'appellent les uns les autres. On explique leur union de la même manière que celle des vertus morales. L'Esprit Saint habitant en nous par la charité, ainsi que le marquent ses paroles, la charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5, 5. Ils sont unis entre eux dans la charité, comme les vertus morales le sont entre elles dans la prudence. Celui qui a la charité les possède tous, et, sans la charité, on n'en peut avoir aucun. Note. Mais, dira-t-on, tous les fidèles ont-ils le don de science? Tous les fidèles n'ont pas cette science, gratuitement donnée, qui défend la vérité contre les impies, mais tous savent au moins ce qu'il faut croire pour arriver au ciel. Fin de la note. 6. Les dons du Saint-Esprit demeurent-ils dans la patrie céleste? On peut parler des dons de deux manières. Quant à leur essence, ils existeront parfaitement dans le ciel, ils perfectionnent notre esprit pour qu'ils suivent les mouvements de l'Esprit Saint, ce qui aura lieu principalement dans l'état de la gloire, où Dieu sera tout en tous. Mais, par rapport à leur matière, ils n'existeront plus. Ils concernent, dans cette vie, des objets qui ne seront plus après la glorification. On se souvient que nous avons dit la même chose des vertus cardinales. 7. Les dons sont-ils rangés selon l'ordre de dignité dans l'énumération d'Isaïe? Si l'on considère les dons d'une manière absolue, on peut en raisonner comme des vertus. Ils perfectionnent les mêmes facultés, relativement aux mêmes actes. Les vertus intellectuelles l'emportant sur les vertus morales, et les vertus intellectuelles contemplatives sur les vertus actives, les dons de sagesse, d'intelligence, de science et de conseil sont supérieurs à ceux de piété, de force et de crainte. La sagesse l'emporte sur l'intelligence, l'intelligence, sur la science, sur le conseil, la piété, sur la force, sur la crainte. Mais quand on envisage ces mêmes dons relativement à leur matière, la force et le conseil, dont l'objet est ardu et difficile, l'emportent sur la science et la piété, qui se rapportent simplement au bien. C'est pourquoi, la dignité des dons correspond à l'énumération d'Isaïe, Article 4, à la condition qu'on les considérera en partie d'une manière absolue, car, à ce point de vue, la sagesse et l'intelligence l'emportent sur les autres, en partie relativement à leur matière, et c'est ainsi que le conseil et la force sont placés par ce prophète avant la science et la piété. 8. Les vertus sont-elles préférables aux dons? Distinguons trois genres de vertus, les vertus théologales, les vertus intellectuelles et les vertus morales. Les vertus théologales, par lesquelles l'homme est uni à l'Esprit Saint, l'emportent sur les dons, elles en sont même les directrices. Aussi Saint Grégoire fait-il observer que les sept fils de Job, et il entend par là les sept dons, ne parviennent à la perfection du nombre 10 qu'autant qu'ils font toutes leurs actions dans la foi, l'espérance et la charité. Pour les vertus intellectuelles et morales, elles cèdent le pas aux dons, elles perfectionnent la raison elle-même ou nos autres facultés par rapport à la raison, au lieu que les dons nous perfectionnent à l'égard du Saint-Esprit qui nous meut. Plus le moteur est élevé, plus les dispositions du mobile doivent être parfaites, conséquemment les dons sont supérieurs aux vertus intellectuelles et morales. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.